On accueille donc au téléphone tout de suite, ça enchaîne, c'est Clément Carpentier. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Et bonsoir, cette fois-ci, je ne me trompe pas, Clément, vous avez déjà pu l'entendre à plusieurs reprises dans cette émission. C'est ça. Bon, Clément, on va faire un petit bilan de ces dernières 24 heures un petit peu agitées. Oui, bah, je suppose déjà que vos invités en ont pas mal parlé ce soir, et surtout vous avez pu avoir des précisions sur ce qui s'était passé dans le club, même si finalement... Peut-être manque-t-il et tu vas nous les apporter. Voilà, même si au fond, c'est toujours pas la vérité, puisqu'on ne sait toujours pas si monsieur Gustavo Poyet avait été prévenu du départ physiquement de son joueur. Il a été prévenu, mais du départ physique de son joueur, on ne saura jamais. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que Christophe Futo vient de nous dire qu'il avait prévenu Martin, et que Martin devait faire la commission à Poyet. Il a dit, oui, qu'il... En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Poyet a fait la... Martin a fait la... l'information à Poyet. Alors, Martin dit que oui, et Poyet dit que non. Il y en a un des deux qui ment. Et Martin dit surtout qu'il a dit à son coach que Gaëtan allait partir, mais est-ce qu'il lui a dit quand il allait partir? Et c'est bien ça la... Martin, il me semble que Martin a quand même dit qu'il avait prévenu, sur France Bleu Gironde, il me semble qu'il a dit qu'il avait prévenu le mercredi soir que Poyet, Laborde partirait. On en revient à cette histoire. Clément, toi, je sais pas si t'as des infos sur comment ça se passe, mais pour en revenir à cette histoire de composition de groupe pour Mariupol. Donc le club tweet le mercredi matin à 10h sur le compte officiel du club que Gaëtan Laborde est dans le groupe. Donc si à ce moment-là Martin n'a pas c'était même le mercredi soir, ils annoncent le groupe mercredi soir 20 minutes après la conf de presse. Nous on est à la conf de presse, on est face à Gustavo Poyet, on lui demande si Gaëtan Laborde sera disponible demain. Et il répond oui. Il nous dit oui et il nous dit vous verrez. Il est quelle heure? 19h, a dit Clément. Voilà. Sauf que... Non, il était un peu plus tôt, il était 18h, un truc comme ça. Et à 19h, le groupe tombe mercredi soir et Gaëtan Laborde est dans le groupe. Sauf que Christophe Hutto vient de nous dire qu'à 16h et des bananes, l'accord est en les Girondins de Bordeaux sont au courant. Alors les Girondins de Bordeaux qui... Sûrement pas Poyet, mais les Girondins de Bordeaux sont au courant que Gaëtan Laborde est à Montpellier ou... Oui, mais est-ce que Gustavo Poyet est au courant? Est-ce que le reste du club est au courant? Puisque Oui, mais s'ils le mettent dans le groupe officiel du club, c'est que c'est qu'ils sont pas au courant. C'est pas possible. Ou alors, t'imagines, ça veut dire qu'ils auraient dit bon, Poyet, laisse-le le mettre et on va. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être très mauvais esprit de Gustavo Poyet. C'est-à-dire de dire je le mets dans le groupe même si je sais qu'il s'en va, juste pour faire chier mes dirigeants et parce que j'ai envie de faire exploser le truc. Ouais, mais le club n'est pas obligé de le poster. Voilà. Oui, exactement. C'est... Donc c'est pour ça que c'est très bizarre. C'est pour ça qu'à 19h, c'est très bizarre que Gaëtan Laborde soit dans le groupe alors que soi-disant, le coach a été prévenu dans l'après-midi et le staff a été prévenu. Donc voilà. Donc les seuls qui l'ont vu, c'est ses coéquipiers qui l'ont mis venir chercher ses affaires mercredi après-midi. La question que je comprends pas, c'est aujourd'hui dans la conférence de presse, personne n'a demandé à Martin pourquoi? Non, on l'a pas relancé sur ce sujet-là précisément parce que en fait, c'est quand même le plus important de savoir qui c'est qui ment. Au final, on serait vite fixé là. Oui, lui il nous a dit hier qu'il l'avait dit. Donc il nous a dit qu'il l'avait dit. Donc la précision, c'est est-ce qu'il lui a dit qu'il partait physiquement du club et qu'il pourrait pas être disponible le jeudi soir. Donc voilà. Après l'autre truc aussi, peut-être je sais pas où est la vérité, mais de toute façon le principal reproche de Gustavo Poyet, c'est qu'il a toujours pas d'attaquant, ça fait deux mois qu'il le demande, que là il a même demandé à avoir un attaquant avant que Gaëtan Laborde s'en aille, ce qui est quand même la moindre des choses, on va le dire, si on veut le défendre un peu notre amicus, mais après il se sert peut-être aussi de cette deuxième histoire pour exploser quoi. Je veux dire pour remettre en doute la rigueur du club et le professionnalisme du club. À ce propos, Clément, comment toi tu as vécu cette conférence? Est-ce que tu as été surpris? Alors déjà moi j'étais très surpris parce que du coup pour le coup c'est moi qui ai posé les premières questions pour une fois et donc moi j'ai dit vos joueurs ont été professionnels Gustavo comme vous l'avez demandé. Là il me fait une réponse, il ne fait pas une réponse à Gustavo Poyet, c'est-à-dire qu'il me fait une réponse en 10 secondes. Alors que Gustavo Poyet c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, donc qui fait souvent des longues réponses. Donc je le relance tout de suite, vous êtes content. Et là, il pète un câble, mais littéralement, comme j'ai rarement vu des entraîneurs faire. Et c'est surtout qu'au début, quand il me répond, j'ai l'impression qu'il se fout de moi parce que ma question était peut-être un peu naïve sur le vous êtes content. Et en fait, pas du tout, il était méga sérieux, quoi. Et donc, du coup, le mec, après, part en vrille complète. Après la conf de presse, là, vous l'avez tous vu, c'est que lui, il attendait qu'une seule chose, c'est qu'on le relance. C'est qu'il aurait pu gerber sur le club pendant 30 minutes, quoi. En gros, il attendait que ça, il attendait que qu'on le relance. Hein. Il a fait son discours, mais lui, il attendait que qu'on le relance à chaque fois, qu'on lui dise que le club, ça allait pas. Donc voilà, quoi. Donc il y a un moment assez surréaliste, comme j'ai rarement vu dans mon métier, quoi. Donc voilà, hyper bizarre. Mais après, c'est du Gustavo Poyet. Après, faut pas être surpris non plus totalement, quoi. Je veux dire, il avait déjà découpillé une ou deux fois. Moi, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est déjà sa prise de tête vis-à-vis d'un journaliste, parce que c'était à la limite. Je crois que c'était toi, mais non. C'était mon collègue de Sud-Ouest, Patrick Favier. Donc voilà, qui n'y était pour rien, puisqu'en plus, ce n'est pas lui qui a écrit le papier il y a 3 semaines, donc dans Sud-Ouest. Donc en plus, le pauvre, il y était vraiment pour rien. Mais bon, là, j'ai trouvé qu'il avait dépassé un peu les bornes, et puis là aussi, il est très très virulent, et moi ce qui me choque particulièrement, c'est à quel point il attaque Nicolas de Taverneau, quoi. Je veux dire, quand même, Nicolas de Taverneau, c'est son propriétaire, c'est comme il est même lui qui le paye tous les jours, c'est son patron, qui le paye son salaire à la fin de chaque mois, et le mec le désingue sur place, quoi, en public, quoi. Je veux dire, il le désingue sur place, parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'il en veuille à Stéphane Martin. Il est là, il essaye de gérer le club comme il peut, il a des incendies à tous les coins du Hayan, donc voilà. Mais c'est Martin ou c'est Ramé qui visait, ou c'est Nicolas Taverneau? On sait plus. Non, mais Ramé, on le sait, Ramé, ça fait depuis très longtemps. Bon, Ramé, il faudra aussi se poser la question un jour sur ses compétences et sur ce qu'il fait dans ce club. Merci Clément. Ça ressemble plus à un emploi fictif qu'à autre chose. Mais bon, donc voilà. Mais bref, la cellule de recrutement fait ce qu'elle peut. Et on sait que Gustavo Poyet ne s'entend pas avec. Mais bon, ça, c'est à date pas d'aujourd'hui. Après, ce qui était virulent, c'était vraiment vis-à-vis de Nicolas de Taverneau. Voilà, où il a dit on essaye de me tuer par derrière. Et là, pour le coup, je pense qu'il visait peut-être Ramé, mais aussi Nicolas de Taverneau. Parce que quand il n'a aucun rapport. Quand il dit on était trois, être au courant, je suis un des trois, voilà, je exactement. Sais qui sont les deux autres, voilà. il vise sans viser, c'est-à-dire que bon, tir à blanc, quoi. C'est-à-dire qu'il... Là, c'est une bonne question. C'est que moi, j'ai défini qu'il visait Nicolas de Taverneau, mais finalement, au bout du compte, ça peut être aussi Ulrich Ramé. En tout cas, c'est un des deux. Et le truc, c'est que dans cette réunion-là, ils se sont dit quelque chose, et que le lendemain, c'était dans la presse. Et sachant que la troisième personne, c'était un de ses amis, son agent ou un de ses adjoints, c'est forcément la troisième personne qui a balancé tout aux journalistes. Donc, à partir de ce moment-là, lui, il a cerné qui essayait de le mettre par derrière, on va dire ça comme ça. Donc voilà, lui, il a compris que c'était comme ça, et hier, il a découplié parce qu'il avait, on va dire, une excuse, entre guillemets, pour dégoupiller, quoi. Donc voilà, il a fait une Gustavo Poyet, quoi. Après, faut pas être surpris, hein. Moi, j'en discutais aujourd'hui cet après-midi avec Didier Roustan, par exemple, qui m'a appelé pour en savoir un petit peu plus sur le club, qui est quand même quelqu'un de très informé dans le milieu du foot. Et je lui ai dit, moi, texto, pour moi, Gustavo Poyet, c'est El Loco numéro 2, hein. C'est Bielsa. C'est vrai qu'il y a certaines similitudes, en tout cas. Ah bah oui, et puis ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux, c'est ce qui s'est passé il y a un an à Lille, hein, si vous faites un peu le comparatif quand même. Hein, j'aurais pu comparer Bielsa à Marseille, tu vois. Et deux ans à Marseille, ouais. Premier match, ciao. Voilà, exactement, c'était à peu près pareil. Attention, Gustavo Poyet n'a pas démissionné, mais je pense qu'il se doute. Non, mais parce qu'il est plus malin que ça. Voilà. Il se doutait qu'en disant ça, quand même. Oui, il savait très bien comment ça allait. Il le savait, il s'est fait dans le but de quitter Bordeaux, c'est pas possible autrement, ouais, on est d'accord. Exactement, tout à fait. Et puis c'est surtout que Gustavo Poyet, on savait très bien qui c'était le jour où on l'a embauché, hein. C'est aussi ça. Alors oui. Après, il n'a pas été embauché par M6. Mais on savait très bien le jour où il a été embauché que ça allait très mal se passer. Je veux dire, si ça se passe bien, ça se passe très bien, et si ça se passe mal, ça se passe très mal, quoi. Donc voilà, c'est pas Jocelyn Gourvennec, quoi. Donc c'est l'opposé même de Jocelyn Gourvennec, on va dire ça comme ça. Donc forcément, on savait très bien que ça allait se passer mal. Après, que ça aille jusqu'à ce point-là, que le mec fissure complètement comme ça sur ses dirigeants, bon là, personne ne pouvait l'imaginer, on va dire ça comme ça, quoi. C'est vrai que c'était très compliqué, quoi. Donc voilà, c'était une soirée où on est au courant de rien, que tout se passe bien, sur un match en bois où on se qualifie pour les barrages de la Ligue Europa, entre guillemets, où voilà, l'équipe fait son match mais sans plus, et tout. On allait tous charger Nicolas de Préville. Il a été sauvé le par pauvre. Un entraîneur qui a fait une sortie médiatique digne de ce nom, on va dire ça comme ça, quoi. Clément, donc, voilà. Et, oui. Et cet après-midi, tu as commencé à énumérer les pistes pour remplacer les entraîneurs. Tu as donc avec 20 minutes, il me semble que tu as sorti une petite liste de noms. Tout à fait, ouais, exactement. Alors après, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y en a certains qui semblaient savoir que Poyet n'allait pas faire long feu en fait depuis très longtemps. Donc, est-ce que moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que au club, c'était pas prévu depuis bien longtemps, mais, et le but n'était pas de faire fissurer Poyet, en fait. Des infos donc, qu'on voilà. a eues, et tu pourras t'amuser à les vérifier, et si jamais tu arrives à les si vérifier, si t'as rien à faire entre midi et deux, voilà. Mais si jamais tu arrives à les vérifier, je pense que tu vas les publier. Ouais. Des infos qu'on a eues, on prend 10% hein, sur les. Ouais, voilà, on prend 10%. C'est que Bordeaux avait déjà peur en juin que Poyet s'en aille. Clairement. Oui, bah, que il y a eu une discussion avec le coach et que le coach semblait être très content des recrues qu'on allait lui proposer, etc. Puis a fait durer, il voulait toujours attendre pour faire, et il a fait capoter un bon nombre de transferts, ce qui énervé énormément le club. Il y a eu sa sortie, puis la réponse de Trio. Bon, ça, je refais pas l'histoire. Et le coach ne pouvait pas être dégagé parce que les Américains ne souhaitaient pas qu'il soit licencié parce qu'ils n'avaient pas envie de gérer une crise. Ils préféraient que ça se tasse et gérer ça en fin de saison. Plus le temps avançait, plus les Américains, plus il a dérangé les Américains qu'il avait recrutés. Là, les Américains ont commencé à dire que la personne faisait trop de bruit. On lui a recommandé de se calmer avant de sortir. Il y avait déjà des pistes qui avaient été préparées au cas où il y aurait besoin. Et il y a eu besoin puisque le coach ne s'est pas calmé. Ça. Et on a tous les mêmes infos en fait. Ce qui est assez énorme, c'est que ça veut dire que le club travaillait déjà sur des pistes depuis un petit bout de temps. Donc voilà, alors que l'entraîneur, Gustavo Poyet, on peut lui reprocher beaucoup de choses sur son caractère, sur tout ce qui se passe au club, sur son humanité, on va dire, même vis-à-vis des salariés ou des joueurs. On ne peut pas lui reprocher une chose, c'est ses résultats sur le terrain. Donc c'est quand même bizarre d'aller travailler sur d'autres pistes alors que votre entraîneur a des résultats. C'est parce qu'après, le profil collait plus haut ni à ce que vous voulez mettre en place les Américains. Mais il faut voir, le profil c'est bien, mais les résultats... Puis les Américains, ils sont bien gentils, mais un jour ils vont devoir s'expliquer parce que c'est eux qui l'ont mis là, Poyet. Soit ils connaissent rien au foot et ils y connaissent vraiment rien et ils ont dit... Mais c'est eux qui ont voulu grillant aussi. Voilà. Soit ils y connaissent vraiment rien et ils ont dit au premier agent qu'ils ont croisé, est-ce que t'as un nombre d'entraîneurs à nous proposer, et le mec il a sorti Poyet de sa boîte magique. Mais quand même les Américains ils sont bien gentils. Aujourd'hui on sait pas comment ils se positionnent par rapport à Gustavo Poyet, mais c'est quand même eux qui l'ont mis là. Clément a raison, excuse-moi Marc, mais Clément a quand même raison. On l'a beaucoup, et même nous autour de cette table, il me semble qu'on avait sorti ce truc là de dire oui voilà, quand Poyet a été nommé, parce que les Américains dans l'optique du rachat ils veulent un mec voilà sud-américain. Comme dit Clément, à un moment donné, il va falloir aussi qu'ils s'expliquent, mais qu'ils justifient un petit peu leur... Souvenez-vous des débats qu'on a eus quand il a signé, on s'est quand même interrogé sur le profil, du fait que son agent n'était pas l'agent le plus clair du monde et aimait bien baigner dans certaines affaires, que c'était un sanguin, etc. Alors ça collait au fait qu'on avait envie de casser l'image et de réveiller un petit peu tout le monde, et de faire le ménage, mais c'est vrai que là, on a peut-être été à l'extrême, et quand tu vois les noms qui sont reproposés, Henri, c'est quand même plutôt quelqu'un que j'ai envie de représenter. Moi, il me fait penser à Will Smith, c'est un petit peu le mec, la classe, qui fait pas trop de bruit, le beau black. Dans ce qu'il dégage, hein, je connais l'IA, je connais pas Will Smith non plus. Blanc, c'est quelqu'un, souvenez-vous, quand il est rentré dans le club, c'était fait avec limite classe, tu vois, genre t'avais envie de dire en effet c'est vrai, t'as raison, tiens voilà Diarra. Non mais Thierry Henry n'a pas le dixième de la classe de Laurent Blanc. Quand même pas des gens qui d'apparence sont des explosifs, oui, comme plutôt... peuvent être un Bielsa, un Poyet, bah, un... comme l'était Gourvenec, Sagnol, ils sont calmes. Ils sont plutôt là-dedans, et quand tu veux exporter une image dans le monde, tu préfères quand même le mec qui peut passer pour le genre idéal plutôt que le mec qui va passer pour le mec que t'as pas envie de... Ouais, mais il y a le côté tempérament un peu, tu vois ce que je veux dire, tempérament oui, un peu de feu. Ça un fait peu, pas forcément. Vois, regarde ce qui s'est passé avec Mourinho. Mourinho, c'était le tempérament de fou, de feu. Il a été adoré, et regarde sa cote de popularité au fur et à mesure des années. Donc c'est, je sais pas, il y a aussi ça, l'impression que les Américains ont fait un petit peu machine arrière en disant on s'est peut-être planté, mais ils ont quand même mis du temps avant de vouloir le sortir. C'est oui, bah après, Après, il y a une chose qu'on ne fait pas dans le club, et peut-être qu'un jour, il faudrait qu'il y ait un bouquin dessus, notamment sur cette période un peu trouble. C'est une série. C'est comment ça se passe, en fait, avec les agents à l'intérieur du club. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça a l'air d'être clairement un énorme panier de crabes où chacun veut placer ses joueurs, où chacun veut placer ses entraîneurs. Donc voilà, c'est quand même hyper bizarre ce qui se passe dans ce club quand même. Donc voilà, entre Poyet qui veut travailler qu'avec ses agents et ses joueurs, la cellule de recrutement aussi de son côté, Poyet qui est mis en place par un agent, et que les Américains ont croisé dans une soirée ou je sais pas. Donc c'est quand même hyper bizarre quoi. Il y a des choses qu'on ne sait pas malheureusement et qu'on ne saura peut-être jamais, mais c'est quand même très louche. Après, ce n'est pas qu'à Bordeaux que ça se passe comme ça, hein. Je veux dire, ça se passe comme ça partout, hein. On va pas se mentir, hein. Donc voilà. Mais il y a des choses qui sont louches. Pour moi, il y a des gros jeux d'agents là-dedans. Donc voilà, et de personnalité. Je sais même pas si c'est avec dans un but final financier, on va dire ça comme ça. Mais c'est très bizarre, quoi. Il y a des jeux d'influence au sein de ce club, qui est un peu logique, puisque c'est dans tous les clubs comme ça, mais là, ça va très très loin, quoi. Donc je sais pas. Ça, peut-être qu'un jour, on le saura, mais aujourd'hui, on ne le sait pas. Malheureusement, il va falloir s'y habituer, sûrement, puisque les Américains ont décidé de travailler comme ça. Donc voilà, ils vont travailler avec leur réseau d'agents à eux. Donc voilà, peut-être que ça sera aussi bénéfique pour faire venir un entraîneur, hein. Peut-être que ça sera aussi bénéfique pour faire venir quelqu'un comme Thierry Henry ou Jürgen Klinsmann. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est quand même très bizarre ce qui se passe, on va dire, en souterrain du château du Haillan, quoi. On sait pas trop comment ça se passe, en fait, c'est surtout ça, quoi. Et surtout, c'est un truc que, enfin, après toi, à titre personnel, je sais pas, mais c'est vu que tu suis au quotidien le club, c'est un truc parce qu'on entend, alors hier et hier soir, bon, pour ceux qui ont écouté RMC en direct et qui ont donc entendu en direct la conférence de presse dans l'after, certains disaient, peut-être à juste titre, je sais pas, moi j'avais pas je connaissais pas ces infos, disaient c'est pas nouveau, on sait que ça fait quelques mois que ça commence à se chicaner entre Poyet, entre machin, truc. De ce que je sais, c'est que Poyet, le club avait peur qu'il parte parce qu'il avait une offre notamment d'Arabie Saoudite en juin et grosso modo on avait du côté du Haillan peur qu'il nous le fasse à l'envers, mais justement maintenant en début de saison avant que le championnat démarre à peu près à cette période là et puis finalement on voit que bien vu les craintes étaient peut-être un petit peu justifiées. C'est possible ça, Clément, tu crois que Poyet ait choisi plutôt que de dire je m'en vais? Non, enfin je trouve que ça serait gros quand même que le mec ait fait exprès de faire une sortie médiatique pour se faire virer, pour rebondir ailleurs. Non, parce que Gustavo Poyet, pour le coup, c'est un mec qui pense sans arrière-pensée. En tout cas, ouais, c'est un impulsif, quoi. Pour l'avoir côtoyé pendant ces 6 derniers mois, pour moi, Gustavo Poyet, c'est tout l'opposé d'un calculateur. Après, je tombe peut-être, hein, je ne le connais pas personnellement. Vous n'êtes pas sérieux, là? La sortie qu'il fait, il sait qu'il va se faire dégager quand même. Ah non, mais oui, mais sauf que c'est pas pour aller dans un autre club ou je ne sais pas quoi. Moi, franchement, je serais lui, j'aurais fait la même. On regarde aujourd'hui l'état de Twitter ou de Facebook, quand on regarde l'état du microcosme bordelais, des supporters bordelais, il suffit juste de regarder notre chat, je vois plus de gens défendre Poyet. Ah oui, clairement. Que de défendre le club. Hein. Oui, clairement. C'est du 9 pour 10. Il faudrait qu'on fasse un sondage, Enzo. Mais parce que les gens regardent aussi. Les gens regardent les résultats. Qu'est-ce qui importe aujourd'hui à un supporter de foot ou un spectateur de foot? C'est le résultat de son équipe. Et Gustavo Poyet, là-dessus, il est irréprochable. Il ramène le club en Coupe d'Europe. Il fait des séries de victoires. Je veux dire, là-dessus, Gustavo Poyet, il est irréprochable. Donc, moi, les gens que j'interroge ce matin en voyant qu'ils viennent à l'entraînement, ils sont tous remontés contre le club parce qu'ils comprennent pas pourquoi Gustavo Poyet, on le met dehors. Parce qu'ils ont pas les bonnes infos aussi. Et puis, oui, parce que Poyet, c'est le mec qui a osé, tu vois, c'est le mec qui a osé en conférence de presse dire les choses, machin, tout ça. Oui, mais peut-être, tu sais, ce qu'il dit, c'est peut-être que tout le monde pense tout bas aussi autour de ce club. Donc, c'est ça aussi, hein. Il faut pas se mentir non plus, hein. Il y a quand même, c'est ce que j'avais dit à la fin de l'ère Gourvennec, quand Gourvennec était parti, parce que pour moi Gourvennec c'était plus un fusible qu'autre chose, même s'il n'avait pas de résultats, mais le gros problème de ce club, je me souviens avoir fait un papier là-dessus, c'est que ce club est malade de toute façon, il est malade, donc voilà, il est malade parce qu'il n'est pas forcément très bien structuré, parce que je pense que ça manque de compétences là pour le coup, je ne vise pas Stéphane Martin qui essaye de faire ce qu'il peut et ils ont encore recruté quelqu'un aussi à la communication qui est quelqu'un de très très compétent. Donc voilà, mais enfin, il y a des gens au niveau enfin, du sportif un autre compétent à la com. Où c'est compliqué quoi. C'est compliqué au niveau sportif, c'est très compliqué et ça c'est depuis des années quoi. Je veux dire quand vous arrivez à sortir un joueur sur les 10 dernières années qui s'appelle Malcolm, c'est qu'à un moment donné il y a un problème de recrutement. Oui, quand tu vois surtout où ont fini les autres. Je crois qu'il y en a deux qui sont au chômage, il y en a un qui n'est pas titulaire à Angers, enfin bref. C'est ça aussi qu'il faut regarder après. Malcolm, c'est magnifique, hein, le club l'a vendu 41 millions. Et ils en ont fait combien des joueurs avant de sortir un joueur de Malcolm. Tu fais bien, tu vois, de parler de ça, ça me fait penser à une interview qu'avait donné Stéphane Martin chez Duga l'année dernière, et où Stéphane Martin disait oui, bah, Bordeaux, on est quand même un club, on sort pas mal de jeunes, et Duga lui a dit très justement, et tout à son honneur de lui avoir dit, il a dit mais président, est-ce que honnêtement, plutôt que de sortir 6 joueurs moyen, vous préférez pas en sortir deux très bons? Il a totalement raison là-dessus, hein. c'est quand même ça le but quoi. Et puis c'est surtout de sortir des joueurs qui font marcher le club, qui font avoir des résultats au club et qui après qui sont vendus avec des plus-values intéressantes aussi pour le club quoi. Donc aujourd'hui malheureusement il n'y a pas ça à Bordeaux, parce que Trio il nous a proposé un projet entre guillemets il y a 4 ans en nous disant nous on veut faire ce que fait Monaco. Bah 4 ans après, faut regarder où en sont certains et où en sont les autres quoi quand même. Donc voilà, il y en a un qui a vendu à Kylian Mbappé à 200 millions d'euros et les autres, on essaie de chercher des joueurs qui ont vendu avec des grosses plus-values et qui ont fait gagner le club en plus. Donc voilà, pour le coup c'est pas du tout le cas quoi. Donc aujourd'hui il faut aussi peut-être se poser des questions beaucoup plus profondes sur ce club-là. Mais je veux dire, je tenais le même discours il y a 6 mois. Hein. À propos de Jossma Gourvennec, hein, parce que évidemment chacun a ses torts dans ces cas-là. Évidemment, c'est pas Poyet est fautif, le club est fautif, ou Jossma Gourvennec est fautif, le club est fautif, c'est chacun, c'est du 50-50 hein, de toute façon, la plupart du temps quoi. Mais c'est vrai que c'est très bizarre quoi. Clément, très bizarre. On a Pierre-Henri qui réagit sur Twitter. Bonjour Pierre-Henri. Ouais. Et qui nous dit que si Bordeaux ne recherche plus qu'un attaquant, c'est sûrement parce que on doit miser aussi sur le retour de Mendy. Oui. Est-ce que tu as des petites infos sur ça? Alors, c'est bizarre parce que j'ai croisé Alexandre Mendy, du coup, il y a 15 jours là où j'avais donné comme petite info que c'est parce que je l'avais croisé lui-même. Hein. Donc voilà, qui m'avait dit j'espère reprendre avec le collectif dans 20 mois et la compétition début octobre. Sauf qu'aujourd'hui, Alexandre Mendy, je pense qu'il voit la chose beaucoup trop belle, quoi. C'est que, apparemment, selon la direction, il reprendra plutôt en fin d'année. Donc ça veut dire au mois de décembre. Ce qui confirme ce que nous a dit Christophe Hutto juste avant, où il nous a fait comprendre clairement que c'était pas pour tout de suite. Quand on lui a parlé de Mendy, on lui a dit le petit Mendy va revenir, et je crois qu'il nous l'a dit texto, mais n'y comptez pas trop à ce que ça se fasse rapidement. Oui, c'est surtout que Alexandre Mendy, malheureusement pour lui, pour le coup, il a eu des grosses complications. C'est quand même un physique assez atypique. Donc voilà, pour le remettre en jambe, c'est quand même très compliqué. Donc je pense que ça va encore prendre beaucoup de temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop y compter rapidement, quoi. Donc ça veut dire que déjà Nicolas Depréville risque de passer en position d'attaquant, on va dire ça, alors que c'est pas forcément le meilleur poste. Pour lui faire retrouver de la confiance en plus. Donc après peut-être qu'il peut se révéler à ce poste-là, mais pour l'instant on attend toujours un attaquant et puis deux d'ailleurs. J'ai une autre question de quelqu'un qui est sur internet, Kevin, qui nous demande si les transferts et l'influence, est-ce que ça n'a pas joué un rôle? Moi, dans les bruits que j'ai entendus, notamment, c'est que le départ de Laborde ne dérangeait pas forcément Poyet, mais qu'il voulait plutôt placer un gars à lui, Morelos. Est-ce que ça a pu jouer dans... Non, mais ça c'est compliqué à savoir, parce que déjà ce Morelos, je sais pas du tout quelle relation il a avec Gustavo Poyet, ou s'il y a des relations, tout simplement. Donc je peux vous le dire, je sais pas. Après, c'est sûr qu'il y avait une guerre interne entre Gustavo Poyet qui voulait placer ses joueurs avec ses agents, quoi, entre guillemets, et le club qui lui faisait des propositions par rapport à son réseau. Donc voilà, donc pour être simple, c'est pas plus dur que ça. Hein. Basic, c'est le recrutement de Gustavo Poyet. Palencia, c'est le recrutement de la cellule de recrutement. Briand, c'est le recrutement des Américains. Donc, en gros, c'est ce que j'expliquais à Didier Roustan cet après-midi, c'est chacun a eu le droit à sa recrue, quoi. J'allais dire, chacun a eu son petit gâteau. Chacun a eu le droit à son ticket, voilà, exactement. Chacun a eu le droit à son part du gâteau, mais au final, personne ne travaille ensemble. Donc c'est ça le problème. Et le seul dossier où ils sont tous d'accord, et depuis le premier jour, c'est le dossier Pedro. Malheureusement, c'est un dossier qu'ils n'arrivent pas à finaliser parce que c'est très compliqué. Ah, si au moins ils sont tous d'accord dessus, c'est déjà une bonne chose. Voilà, c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose. C'est qu'ils sont tous d'accord sur ce joueur-là. Malheureusement, Malheureusement, vu que Boyer sera plus là, ça se trouve le nouvel entraîneur ne sera pas d'accord avec ce profil-là, c'est ça. Donc ça sera très compliqué. Hein. J'ai une dernière question sur le chat. C'est Azab Ruby qui nous demande est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les changements du mercato maintenant par rapport au départ de Poyet. Alors je vais peut-être reformuler un petit peu la question. Est-ce que les Girondins vont rester dans la même ligne, tu vois ce que je veux dire, dans les mêmes objectifs, ou est-ce que je vais vous dire c'est très très compliqué de le dire aujourd'hui parce que d'une certaine manière ça dépendra quand même du nouvel entraîneur. Vous n'allez pas construire, c'est pas Stéphane Martin qui va construire l'équipe, ou Eric Bédoué, ou Ulrich Ramé, qui savent très bien qu'ils ne seront pas là dans 10 jours. Mais surtout, donc, sachant que Bédoué sera là pour la Gantoise, donc on n'aura pas de nouveau coach avant, on va dire, le week-end prochain, mais il restera plus qu'une semaine de mercato. Oui, tout à fait, c'est ça, donc c'est très compliqué. Après, est-ce que ça va bouger beaucoup? Ben, j'ai l'impression que ça bougera plus. En fait, si ça bougera, que s'il y a des départs, parce qu'il faudra les remplacer. Donc voilà, mais à part un attaquant devant. Bon après c'est compliqué aussi parce qu'il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est qu'on ne sait pas si Bordeaux va jouer la Ligue Europa aussi. Donc si vous prenez qu'un seul attaquant, vous pouvez faire la saison sans souci, quoi. Si vous jouez la Ligue Europa, là c'est autre chose, il faut peut-être un autre attaquant, quoi. Donc c'est difficile à dire, mais c'est sûr que déjà il y a une chose qui a changé, et ça c'est Stéphane Martin qui l'a dit ce matin, c'est qu'il n'y aura plus deux attaquants mais un attaquant. Mais qui dit que le nouvel entraîneur qui va arriver, il va pas dire moi j'ai besoin d'un défenseur central, d'un arrière gauche, moi j'ai besoin d'un arrière gauche. Voilà, un 4-4-2 très Moulinas, ça a repris l'entraînement avec la réserve. C'est très louche cette affaire, moi ça me paraît très très louche. Moi cette affaire, mais bon, je vois le coup venir, on recrute pas d'arrière gauche et bizarrement très Moulinas revient petit à petit. Je me dis il y aurait pas genre on le laisse se remettre sur pied et on voit s'il est apte à puisqu'il est gratuit, il bout de rien. Sur RMC en direct là, apparemment ça parle de Klinsmann en directeur sportif et de Henri comme coach. Ah oui, et de qui? C'est sûr que Henri comme coach. C'est sûr que c'est les pistes, c'est les pistes les plus évoquées. Ça veut dire que directeur sportif, Klinsmann, ça fait un bout de temps. Ça a de la gueule quand même. Donc voilà, oui c'est sûr. Après, ça a de la tronche. Pour voir les ronds qu'ils vont mettre. Moi, je vous conseille c'est un petit conseil que je vous donne, de prendre des petites pincettes par rapport à la vente du club. Donc voilà. Parce que du côté de la mairie ou de la métropole, on n'est pas encore au feu vert pour l'instant. Donc, on n'est pas chaud. Donc voilà, prenons des pincettes aussi là-dessus, quoi. Alors ça, pas 30 secondes, la métropole faire... Méfie-toi de la politique, Marc. Mais tu sais quoi, si jamais ça arrive... La politique et le sport, ça fait pas bon ménage. Ce qui se passe, si jamais il y a ça, M6, ils vont voir la mairie de Bordeaux, ils font « Tenez, démerdez-vous avec le club, je me casse. » Ah mais ça, après, ça sera leur problème. Mais oui, peut-être. Quand tu auras un club en Ligue 2 ou en National, je suis pas sûr que la mairie sera aussi contente. Donc tu verras... que bizarrement Marc, ils s'en fichent. Je te promets que la mairie, le sport, ils s'en contrefoutent. Le football, ils en sont rien. Enfin, Clément, après, je sais pas comment que la mairie, c'est la métropole. Quand tu veux devenir une métropole attirante, etc., tu peux pas te mettre. On a aucun sport qui réussit. Mais que dalle. Mais le hockey, c'est un dedans mettre la clé sous la porte. C'est même pour les enfants. Juste bon, on va voilà. Donc, bon, Clément, pour terminer, on te retrouve évidemment dans 20 minutes. Ouais, exactement. Et on va tous les jours ça avec Yorin et Thierry Henry. Donc voilà. Après, c'est vrai que sur le papier, ça aurait beaucoup de gueule. Après, faut voir aussi ce que vaut Thierry Henry, hein. Parce que aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, ce n'est qu'un nom. En tant qu'un joueur de foot, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une légende. Mais en tant qu'entraîneur, aujourd'hui, on n'en sait rien de Thierry Henry. Et puis Klinsmann, directeur sportif. Klinsmann qui l'accompagne. Ouais, directeur sportif, je trouve que ça a de la gueule, par contre. On peut pas penser que Thierry Henry vienne seul. C'est pas possible. Oui, non. Oui, non. Mais et puis c'est surtout, moi, après, si vous faites venir Thierry Henry ou Klinsmann, le truc, c'est que derrière, il faut forcément qu'ils leur vendent un énorme projet. Parce que Thierry Henry, il va pas venir pour entraîner Valentin Vada ou Yaro Saplavi. Il y a du boulot. Non, mais voilà, c'est juste ça, quoi. C'est juste que déjà, il faut payer son salaire à Thierry Henry. Donc, déjà, il faut payer son salaire, ouais. Voilà, déjà, je peux vous dire que s'il faut venir des noms comme ça, ça rassurera quand même une bonne partie des gens sur leur sur la santé financière. Voilà, exactement. Mais... parce que déjà, il faudra payer les salaires de Jürgen Klinsmann ou Thierry Henry. Mais alors après, faudra voir vraiment ce qu'il leur propose comme projet, hein, parce que je vous rappelle que Zidane, il était très très chaud pour venir avant d'aller au Real Madrid. Il n'y avait pas de sous. Bien lui en a pris. Mais voilà, on lui a expliqué qu'il n'y avait pas de sous, quoi. Et je veux pas défendre une nouvelle fois Gustavo Poyet, mais Gustavo Poyet, c'était un entraîneur qui voulait certains profils de joueurs, des joueurs expérimentés, intenses physiquement. Et en gros, on allait lui dire au bureau, excuse-nous, nous, c'est pas notre politique. Donc voilà, quoi. Donc là aussi, il faudra aussi s'expliquer pourquoi on prend un entraîneur qui demande tel joueur et finalement, on lui demande d'appliquer tel projet, quoi. Donc voilà, c'est aussi des distorsions qui font que c'est très très bizarre. C'est très très bizarre. Donc je sais pas, on n'est pas au bout de nos peines, je pense, mais voilà, il faudra voir, quoi. Mais en Clément, tout cas, moi j'avais une dernière question à te poser, c'était sur GACP. Oui. Est-ce que tout à l'heure on a eu Adrien qui nous parlait de Anchoud et compagnie. Est-ce que tu sais Adrien Mathieu. Est-ce que tu confirmes qu'il est bien dans le tour de table Moi je ne sais pas. C'était une éventualité dont on avait parlé avant. Moi ce que j'ai su plutôt, c'est ce que Emery Ten avait sorti dans l'X. C'est qu'il y avait un autre fonds d'investissement derrière, avec des milliards là pour le coup. Mais bon, qui est King Street, oui, c'est ça, je crois. Qui, eux apparemment sont les garants financiers du projet, mais derrière King Street, je ne sais absolument pas qui il y a. Peut-être qu'il y a Anschluss, peut-être qu'il l'a pas. Voilà, c'est juste qu'il faut comprendre que si, peut-être que s'il y avait Anschluss, je ne connais pas ce monsieur, mais peut-être que c'est un monsieur qui est dans le sport depuis longtemps. Je ne sais pas comment il voit le sport. C'est le président des Lakers, c'est des Galaxies. Voilà, donc je ne vois pas comment il voit le sport. Est-ce qu'il le voit comme un business pour parler simple, ou est-ce que c'est quand même quelqu'un qui est prêt à perdre de l'argent dans le sport? C'est un passionné. Voilà, est-ce que c'est un passionné? C'est aussi ça, c'est que pour l'instant, on connaît. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'excusez-moi, son investissement de José Dagrossa, c'est des gens qui sont juste là pour faire du business. Hein. C'est pas des gens du tout qui sont là passionnés par le sport, à mon avis. Hein. En tout cas, c'est mon avis. Mais voilà, peut-être que lui, en dessous, c'est peut-être c'est différent. Donc voilà, faudra aussi voir. Quel est le profil de ces gens-là et s'ils sont vraiment dans le projet, en fait. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas, finalement. Au bout du compte, on ne sait toujours pas, quoi. Eh bien, messieurs, on suivra tout ça à travers les articles de Clément Carpentier dans 20 minutes, évidemment. Ouais. Merci. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, super émission. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Tu voulais rajouter un petit truc? Vas-y. Bah, c'était super comme émission, là. Vous avez été un invité, j'ai écouté ça et tout, quoi. Vous avez des gens qui sont assez proches et qui connaissent le club, donc c'est assez intéressant donc, pour faire comprendre aussi aux gens qui sont extérieurs au club de comment ça se passe un petit peu, quoi. Le prochain papier, voilà, faut citer GA. Voilà, même si on n'a pas toute la vérité, en tout cas, c'est intéressant d'écouter les tenants et les aboutissants et d'essayer de comprendre c'est comment que le but. Faire un club. Après, les gens se font leur avis, mais au moins, voilà, on permet de ça. Se faire. Merci ça, beaucoup. Très, très bien. Merci bien, Clément, merci. Et puis, à bientôt, Angéa. C'est toujours un plaisir. Merci Clément. Ciao. À bientôt, ciao.